Chapitre 15. Adolphe et Juliette remontèrent en voiture, et pendant la traversée du village, ils restèrent sans parler. Il excitait son cheval, qui allongeait le trot, et elle se tenait immobile dans son coin, regardant sans les voir, les paysans assis devant leurs portes et se reposant des fatigues de la journée par la causerie du soir. De temps en temps, quand ils coupaient une ruelle transversale, ou quand ils passaient devant un jardin au mur bas, ils avaient une échappée de vue sur Paris, au-dessus duquel s'étendait un immense nuage rouge, produit par la réverbération de ses lumières. Comme un éclair, cette vision arrachait Juliette à sa méditation. Elle tournait la tête vers Paris. Mais en rentrant dans l'ombre, elle revenait à son immobilité, c'est-à-dire à ses pensées. Lorsqu'ils sortirent du village pour courir en pleine campagne, Adolphe rompit ce silence. « Eh bien, que penses-tu de notre peintre ? » dit-il en se tournant vers sa femme, après avoir ralenti l'allure de son cheval. « Qu'en penses-tu toi-même ? » ?»« Tu ne réponds pas à ma question. C'est que je suis curieuse d'avoir ton sentiment. Parce que... pour que le mien n'influence pas le tien. Est-ce que le tien ne pourrait pas se laisser influencer par le mien ? Non. Alors, à première vue, tu juges les gens et c'est fini. Cela dépend des gens. Il y en a avec lesquels je vivrai des années sans avoir l'idée de les juger. Il y en a d'autres que je ne pourrais connaître qu'après avoir pris l'avis de tout le monde. Enfin, il y en a d'autres encore avec lesquels un quart d'heure d'entretien me suffit. Et pour cela, je ne reviens pas sur mon impression. Francis Herold appartient à cette dernière catégorie. Il ne m'a pas été besoin d'un quart d'heure. Il faut convenir que la femme est un être bizarre. Enfin, puisque je ne peux avoir ton opinion qu'après que j'aurai donné la mienne... Je ne fais aucune difficulté pour déclarer que Francis Herold me plaît beaucoup et que je sens pour lui une très vive sympathie. Tu vois donc qu'il n'y a pas que les femmes qui se forment des jugements à première vue. Ce n'est pas à première vue que Francis Herold m'a été sympathique. Mon premier mouvement, au contraire, a été répulsif. Quand j'ai vu qu'il voulait faire remonter vos relations au temps où tu travaillais au Louvre, j'ai dû me retenir pour ne pas le remettre tout de suite à sa place. Il me semble qu'il n'y avait rien d'inconvenant dans ses paroles. Il me reconnaissait, il le disait, c'était tout naturel. Aurais-tu mieux aimé qu'il joue à la surprise ? Tu ne l'as pas reconnu, toi ? Ce n'est pas tout à fait vrai. Lorsqu'il est entré, je me suis rappelé que je l'avais déjà vu. Seulement, je ne savais pas le nom qu'il fallait mettre sur sa figure, qui m'était restée vague et flottante dans le souvenir. Monsieur Herold a meilleure mémoire que toi. Probablement. Mais il faut dire aussi que les conditions n'étaient pas les mêmes pour lui que pour moi. Les femmes qui travaillent au Louvre sont exposées à la curiosité des visiteurs, tandis que les visiteurs ne sont pas exposés à la curiosité des travailleurs. Ainsi, M. Herold, me voyant sur mon échelle, a pu me remarquer et demander à son ami Godefroy qui j'étais, tandis que moi, je ne l'ai pas distingué au milieu de la foule. C'est déjà bien assez dur de se donner en spectacle, sans encore aggraver son embarras par des observations particulières. Ce n'est pas quand on sent d'hyperdieux braqués sur soi qu'on s'amuse à regarder ces curieux importuns. On a mieux à faire d'ailleurs et l'on tâche de s'isoler dans son travail. Enfin, mon premier mouvement n'a point été favorable à Francis Herold. J'ai été blessé en le voyant aborder avec une sorte de familiarité. Toujours tes idées. Oui, toujours mes idées de respect et de dignité. Mais de respect et de dignité seulement et non de jalousie. Je ne suis pas jaloux. Je ne le suis pas au moins dans le présent ni dans l'avenir. Ce n'est pas après avoir pu te juger pendant 5 années que je vais me mettre l'inquiétude en tête. J'ai en toi une confiance absolue qui, il me semble, ne pourrait être ébranlée par rien. Pour croire que tu peux me tromper, il me faudrait le voir. Encore, je ne sais pas si je ne récuserai pas mes yeux. En tout cas, tu ne pouvais pas être jaloux de quelqu'un que je ne connaissais pas ce matin. Ce premier mouvement passé, et voyant que ce qui avait dicté les paroles de Francis Herold n'était point une familiarité déplacée, mais que c'était au contraire un sentiment de reconnaissance, j'ai été plus juste pour lui. Et puis ce qu'il nous a dit, sa mère m'a touché. J'avais presque les larmes aux yeux. En le quittant, j'avais envie de l'inviter à dîner dimanche avec nous. De quel côté eût été cette familiarité qui te fâchait lorsque tu croyais qu'elle s'adressait à ta femme ? Monsieur Herold lui trouvait que nous étions sans gêne avec lui. Ce n'est pas cette considération qui m'a retenu, mais je voulais te consulter avant et savoir si tu éprouvais pour Francis Herold la même sympathie que moi. Tu sais quelle admiration j'ai pour son talent. il ne s'agit pas de son talent, mais de sa personne. Je n'inviterai pas tous les gens de talent à dîner, et je dois même dire que ceux que j'ai connus étaient à éviter plutôt qu'à rechercher, tandis que celui-là me plaît, malgré la bizarrerie de sa tournure. Puis-je maintenant te demander ce que tu en penses ? Juliette resta un moment sans répondre. « Eh bien ?» insista Adolphe. « Je pense, dit-elle enfin, ce que tu penses toi-même. Alors j'en viens à mon idée et dimanche je prierai Francis Hérol de rester à dîner avec nous. Et moi, je persiste aussi dans la mienne et je t'engage à ne pas le faire. Ma chère Juliette, j'ai en toute chose la plus grande déférence pour tes avis. Mais quand il s'agit des artistes, je te récuse. Tu te fais une si haute idée de tout ce qui touche à l'art que tu t'exagères toujours les sentiments des artistes. Leur dignité n'a pas autant de susceptibilité que tu crois. Je suis certain que ton peintre ne se trouvera pas blessé par mon invitation. Peut-être même sera-t-il très satisfait d'être accueilli dans une maison comme la nôtre. » On arrivait à Nogent, l'entretien s'interrompit. Juliette ne le reprit pas. Elle avait dit franchement ce qu'elle avait cru devoir dire. Il ne lui convenait pas d'aller plus loin. Elle savait d'ailleurs qu'elle n'empêcherait pas son mari de persister dans son idée. Il croyait faire honneur au peintre en l'invitant chez sa mère, et toutes les observations sur ce sujet seraient en pure perte. Il était donc inutile de les risquer. Cependant, le dimanche, en déjeunant, elle fit une dernière tentative. « Et pourquoi donc n'inviterait-on pas M. Hérol ?» dit Mme d'Alifard en prenant la parole. « Est-ce parce qu'il est artiste qu'il faut pour lui un cérémonial spécial ? Des gens qu'il valent bien, venus ici par hasard, se sont trouvés honorés d'une invitation aussi brusque. Il me semble qu'il serait étrange que vous, qui avez été artiste, vous n'invitiez pas un artiste. Ce serait dire que nous rougissons de votre passé et vous savez que cela n'est pas. » Il n'y avait rien à répliquer. Francis Hérol arriva bientôt après cette explication et on le conduisit aussitôt à l'atelier. Le tableau pouvait être réparé, seulement il était certain que la déchirure et les coutures paraîtraient toujours. « Quand mon travail sera fini, dit le peintre, on verra le résultat. S'il est à peu près satisfaisant, nous nous en tiendrons là. S'il ne l'est pas, je vous en ferai une copie. « Et où faut-il vous envoyer le tableau ? » demanda Adolphe. Hérol hésita un moment. « Pourquoi le déplacer ? » dit-il enfin, « et l'exposer à de nouvelles aventures. Si madame veut m'admettre dans son atelier, je ferai mon travail ici. Cela ne sera pas bien long d'ailleurs. » Juliette allait répondre, mais Adolphe prit les devants et remercia chaleureusement le peintre. Il était ému par la cordialité de cette proposition. Il n'y voyait qu'un témoignage de déférence, et toute prévenance, toute attention qui s'adressait à sa personne, lui faisait facilement perdre la tête. Sans attendre davantage, il adressa au peintre son invitation à dîner. « Permettez-moi de vous traiter en ami, dit-il, et d'escompter l'avenir. J'espère que vous ne vous formaliserez pas de ce sans gêne. » Assurément, Hérol ne s'en fâchait pas. Il était au contraire vivement touché. Cependant, il avait des empêchements. « Vous ne voulez pas faire attendre madame votre mère ?» dit Juliette en intervenant. « Mon Dieu, madame, si vous voulez me permettre une entière franchise, je vous dirai que c'est ma mère qui m'oblige presque à accepter. Si en rentrant je lui dis, et je lui dis tout, que j'ai refusé votre gracieuse invitation pour venir dîner avec elle, elle va se fâcher. Elle ne me permet de rester à Chennevières qu'à condition que pour cela je ne sacrifie ni mon travail ni mon plaisir. » « Alors, vous ne pouvez pas nous refuser, » conclut Adolphe. Il y avait ce jour-là grande réception chez Madame d'Alifard. Le notaire de Labranche et la famille Marpillon, le vieux Descloiseau et quelques autres personnes. Fier de son nouvel ami, de son peintre, de son homme de talent, Adolphe voulut le faire briller et à chaque instant il le mit en avant. Hérol se laissa faire et, sans aucun embarras comme sans prétention, il se montra dans ce milieu bourgeois le convive le plus agréable du monde. Il fut plein de déférence pour Madame d'Alifard, il répondit joyeusement aux plaisanteries du notaire, il fut aimable avec les demoiselles Marpillon, et on eût pu croire qu'il était depuis longtemps l'habitué de cette maison où il pénétrait pour la première fois. Le soir, Adolphe voulut le faire reconduire en voiture à Chennevières, mais le peintre refusa obstinément cette proposition. Lorsqu'il fut parti, le notaire déclara que c'était un charmant garçon. Voilà un homme de talent comme je les aime, simple et bon enfant, ne croyant pas qu'il est un dieu. Il croit cependant que l'art est une religion, dit Madame d'Alifard, et il se figure trop qu'il n'y a que les artistes au monde. Il en a le droit, dit Adolphe. Et vous, madame, demanda M. Descloiseaux, comment trouvez-vous M. Ayrol? Cette interrogation parut tirer Juliette d'un rêve. Elle regarda un moment M. Descloiseaux et vit que tous les yeux étaient fixés sur elle. Alors, d'une voix ferme, « C'est le premier homme qui m'ait fait sentir ce que pouvait être le génie, » dit-elle. « Très bien, » s'écria Adolphe. « c'est cela même. » On se sépara, et M. Descloiseaux, qui se rendait au chemin de fer, accompagna la famille Marpillon. Depuis que Juliette l'avait remis à sa place, il s'était retourné du côté de Madame de Labranche. Elle était laide, il est vrai, mais elle était jeune. Et Madame de Labranche, qui n'était point habituée à voir les hommes s'empresser autour d'elle, s'était laissée toucher par les compliments et les prévenances de ce vieux beau. C'était un homme, après tout, et sa parole avait des douceurs qu'elle ne connaissait pas. « Eh bien, » dit-il en lui offrant le bras, « Adolphe est-il assez mari? C'est lui qui prend ce peintre pour l'amener aux genoux de sa femme. » Et Juliette s'était assez hardiment expliquée. Elle a voulu nous braver. Du génie. Le génie de la laideur, je le trouve affreux. Il faudra voir si Juliette pense comme vous. Et avec votre finesse et votre esprit, personne ne peut mieux que vous suivre jour après jour la marche de ce roman.